c'est l'histoire d'un brigand du roi au cachot depuis des siècles. Sa chandelle est morte, il n'a plus de feu pour écrire sa belle histoire. Sa rage est grande, sa barbe est blanche, mais n'a pas perdu courage. Son allure est noble, sa vie monotone, mais toujours remplie de rage. Bientôt au bord de la lune, tu rejoindras ta lune. Bientôt au bord de la lune, avec elle sera pure. Tu auras des princes de mauvaise mère et du volet pour régner. Sa fidèle escorte y perdit les yeux en voulant sauver son prince.